Bonsoir Jeanne, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, toute la semaine. On vous le dit tous les soirs, la fiction est en public et en direct du Musée Calvet à Avignon. Compagnie d'un écrivain, Laurent Mauvignier, et puis une artiste musicienne, Joëlle Léandre. Toute cette soirée vous est proposée en partenariat avec la SACD. Laurent Mauvignier est l'invité du Festival d'Avignon. Le 17 juillet aura lieu la première de Retour à Berratam, une création du chorégraphe Angelin Preljocage sur un texte original de Laurent Mauvignier. Alors deux jours avant cette première, nous avons souhaité vous faire mieux connaître l'écrivain Mauvignier et plonger une heure durant dans son univers. Pour cette lecture, Laure Egoroff a composé un ensemble de portraits de femmes à partir des textes de Laurent Mauvignier. Trois actrices pour lire les textes ce soir. Vous entendrez Amira Kazar, qui lira Une légère blessure. Mélissa Barbeau lira Ceux d'à côté et dans la foule. Johanna Nizar lira des extraits de Tout mon amour et Apprendre à finir. La lecture sera clôturée en direct par une intervention musicale de Joëlle Léandre avec sa contrebasse. Joëlle Léandre, que nous retrouverons ici même à 21h15 sur le plateau du Musée Calvet pour une performance où elle interprétera John Cage et des musiques de Joëlle Léandre composées et improvisées. Toute cette soirée en direct et en public sur France Culture est réalisée par Laure Egoroff. On retrouve tout de suite le plateau du Musée Calvet. Vous comprenez ça? Passer chez des amis pour ne pas rentrer chez soi? Se trouver assez pitoyable pour aller même chez des amis qu'on s'était juré de ne plus voir, tant le bonheur qu'elle vous jette au visage est une insulte et une provocation. Cette douleur qu'elles agitent si fort et réveillent en vous. Mais en même temps, il est vrai qu'elles acceptent de passer un temps considérable à vous entendre vous apitoyer sur vos malheurs et sur vous-même, sachant que vous ne ferez même pas semblant de leur demander comment elles vont. Il y en a une, par exemple, que la maladie tient enfermée. Eh bien, j'oublie toujours de lui demander si la maladie va en se résorbant et si elle est entrée en rémission, si elle lui laisse un peu de répit, si ce nouveau traitement dont on parle est efficace et si, enfin, la douleur est moins forte. Est-ce qu'elle peut respirer mieux et même sortir un peu de chez elle? J'oublie toujours de lui demander et je crois qu'elle s'en fiche autant que moi car, après tout, mes malheurs, ça la distrait d'elle-même et de ce mal qui la ronge. Alors, me voir m'humilier, oui, bien sûr, ça lui donne de l'importance et la porte même peut-être à se croire irremplaçable dans ma vie. Ce qui compte, c'est comment je peux délivrer ma parole contre moi-même. Comment je peux me libérer de tout résidu d'amour-propre et lâcher la bride à cette haine puérile dans laquelle j'aime à m'étaler. Et d'ailleurs, aucune de mes amies ne cherche jamais à donner le change ou à faire semblant. À peine balbutie-t-elle parfois, comme des petites tapes amicales, des encouragements, des mots douillés, mais dont le résultat n'est pas de m'encourager à en sortir, mais au contraire à m'y plonger avec davantage encore de délectation et d'effroi contre moi-même. Je sais que ce que je fais est pathétique et peut-être pour vous immoral. Je sais aussi que j'évite, en me vautrant dans mes confidences, de regarder celle à qui je l'ai fait. Non pas par honte ni fausse pudeur, non, mais uniquement pour ne pas solliciter, par un regard trop insistant, un avis, une parole qui me couperait dans l'élan de la mienne. Mieux vaut être mal accompagné que pas accompagné du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne croyez pas? Vous ne faites jamais ça? De vous confier à des gens, des visages, des voix pour qui vous n'éprouvez pas d'autre intérêt que celui que eux manifestent à votre égard? D'accord, c'est vrai, ses amis. Je peux dire que je tiens à elle uniquement pour ce que je peux déverser et rejeter sur elle. Mes vraies amies sont trop précieuses pour les accabler avec. Elles savent, mes vraies amies, comment toujours au début, j'arrive avec ce sourire émerveillé que je porte dès qu'un homme vient d'entrer dans ma vie. Elles savent tout. Le grand amour, le renouveau, comme si rien n'avait jamais existé avant, comme si rien, aucun échec, aucune désillusion ne m'avait jamais prévenu des dangers d'une rencontre, du danger avec les hommes, comme si je ne les connaissais pas et que je ne me connaissais pas non plus. À mes amis, je le dis de toute ma force. Cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est un prodige. Mon cœur bat comme jamais. Une fête totale où s'épanouissent et s'ébattent pareillement les sens et l'esprit. Un éblouissement sans équivalent. Je leur dis, et je vous le dis à vous aussi, un embrasement du cœur et de l'âme, oui. L'épiphanie soudain dans le visage d'un homme, dans ses mains, ses gestes si différents des autres. Comment ai-je pu croire à d'autres avant lui? C'est si différent avec celui-ci, tellement inédit et beau. Bien sûr que c'est toujours différent. Ce que je veux dire, c'est que quand l'amour vient, ce qui diffère, qu'on sait toujours quand l'amour arrive, c'est comment l'amour lui-même s'annonce, comment il le fait avec une telle force, une évidence presque sauvage qui désarçonne par cette netteté si crue et insupportable à regarder. D'un seul coup, c'est comme si, avant lui, ce n'était pas l'amour, seulement une forme de préhistoire à l'amour. À chaque fois, je le reconnais parce qu'il ne m'était jamais arrivé comme il arrive cette fois-là, précisément. À chaque fois, je me dis que c'est la seule vraie, et que les autres, au fond, n'étaient que l'ébauche d'un ravissement, mais que cette fois, c'est lui, et qu'il est unique, absolument. Il y a cette certitude soudain qui me crève le cœur. Non, non, qu'il relève, le soulève, l'élève et le hisse au-dessus de moi comme un mot d'amour si fort et si plein que jamais... Rien n'a pu arriver jusqu'à cet endroit où il se tient dans l'espace de son émerveillement, comme si pour la première fois de ma vie, je reconnaissais un homme qui me reconnaît, parce que c'est toujours une histoire de se reconnaître, n'est-ce pas? Comme dans la nuit, on pourrait voir une lumière ténue mais obstinée, vacillante et tenace, qui tient malgré tout. Un bout de lumière orangée, une luciole, un trait qui se tortille et s'effiloche et ne brillerait que pour soi, mais... Je vois leur air condescendant qui me donne envie de leur taillader ce sourire méprisant qu'elles ont, mes amies, et qu'elles voudraient discret alors qu'il est seulement perfide. J'en ai croisé combien maintenant ? Dans l'escalier, ou aperçus dans l'encadrement de la porte ouverte chez Claire, des gens timides qui sont là comme en visite médicale ou à un entretien d'embauche, la mèche sur le côté, grave et souriant pour être sérieux mais joviaux, comme s'il fallait se coller un élastique derrière les oreilles pour maintenir haut les sourires aimables. Oui, c'est très bien. Redoutant le moment où il faudra bien parler des revenus, parce qu'il faudra aussi parler caution, et vous faites quoi dans la vie ? En attendant, j'en ai vu. Je les ai vus, avec la manière qu'ils ont tous de regarder sans vouloir gêner, qui cherchent du coin de l'œil le détail qui dirait « attention, danger ». Ils sont habillés propres et regardent partout, même moi, quand j'ouvre ma porte, que je les croise 10 secondes sur le palier, ma voix, mes vêtements... Mon sourire pour dire bonjour, il regarde ça comme le papier peint du palier, comme les lattes du plancher. Ça fait partie des meubles, ma présence. Je les imagine, s'imaginant l'ambiance de l'immeuble, se disant « ça doit être sympathique, la voisine est jeune » ou bien encore « pourvu que les voisins ne fassent pas de bruit, on ne sait jamais le bruit, est-ce que c'est bruyant ?» Ils aimeraient mettre l'oreille sur les cloisons pour savoir si on entend de derrière les souffles des autres, des fois que ça viendrait se répandre sur les meubles avec la poussière et qu'il n'y aurait pas l'intimité. Ils aimeraient écouter contre les cloisons, comme moi j'entends la porte de chez Claire qui s'ouvre quand ils viennent visiter. Et quoi que je fasse chez moi, quand j'entends la porte, je m'arrête. C'est toujours ce bruit de clé que je connais tant, que j'entends comme toujours quand je me rappelle les années où Claire n'avait pas rencontré Sylvain, ces moments pour nous deux. Parce que dès qu'elle rentrait chez elle, elle passait me voir et on fumait au moins une cigarette ensemble. Et puis quand il y a eu Sylvain, ce n'était plus pareil. On n'a plus parlé comme avant de ce que c'était que d'être toute seule et d'attendre ensemble que le prince charmant trouve la sonnette de l'immeuble. Mais bon, après on n'en a plus parlé, c'est comme ça. C'est normal. Parce qu'on s'aperçoit que la vie qu'on croyait pareille, eh bien, c'est raté, des clous. Ceux qui nous comprennent, ce n'est pas nous qu'ils comprennent, c'est eux, seulement eux. Et l'étrangeté des autres, on l'aime, oui, pour ce qu'on voudrait aimer de soi qu'on ne comprend pas. Et alors c'est étrange aussi de voir qu'à travers leur image, c'est notre reflet qui se déforme quand la vie les emmène ailleurs que là où nous sommes. Alors moi, je ne voulais pas parler de tout ce qui me restait à attendre, qu'elle disait avoir trouvé. Et puis moi, j'ai toujours eu 10 valets dans la poche pour compenser en attendant. Alors, ceux qui viennent visiter voudraient écouter pour entendre les bruits dans les murs, savoir comment ici ça respire, qu'est-ce que ça dit ici des autres. Comme moi, quand je les entends dans l'escalier, quand je les vois regarder les plafonds, le plancher, la façon qu'ils ont d'inspecter, comme s'il traquait chez Claire tout ce qu'elle aurait pu oublier de sa vie à elle, ici, se demandant ce que eux vont pouvoir y mettre, parce qu'il faut faire place nette pour remplir l'espace de leur vie, ramener leurs histoires, leurs amis, tout, les soucis, les projets, tout. En attendant, ils viennent. Et à chaque fois, je me dis, tiens, c'est peut-être le tour de celui-là, de celle-ci, de ces deux-là. Puis non. C'en est d'autres qui viennent après. Ça me rassure de voir que tous, ils vont et viennent, et que finalement c'est ailleurs qu'ils poseront leur vie, quelques mois, quelques années, en attendant de la continuer ailleurs, dans d'autres mètres carrés, avec d'autres vues. Et alors, quand ils viennent, à chaque fois, je voudrais écouter derrière la porte, les entendre dire que ça ne leur plaît pas. Je voudrais les entendre dire ces mots-là, parce que moi, je me sens volée, c'est idiot. Je n'en ai pas parlé à Claire quand je l'ai appelée, non. Je n'ai rien dit, j'ai parlé de ma mère et du concours. Qu'est-ce que j'aurais pu dire de ça quand elle m'a dit qu'elle commençait bientôt le travail, que la vie reprenait ailleurs? Mais oui, elle a dit, tu sais, la peur que j'ai encore de me dire... Il faudra être nue avec Sylvain. Elle m'a dit qu'encore maintenant, elle ne pouvait pas se regarder nue, qu'une main sur elle, ça la déchirait. Et moi, est-ce que j'aurais pu lui dire, moi, que maintenant, il me fallait la lumière pour dormir? Ou est-ce que j'aurais dû la rappeler encore le lendemain pour lui dire, tu sais, hier soir, je n'arrivais pas à dormir. Même les Ross McDonald, c'était impossible parce que j'avais froid, parce que je n'arrivais à me concentrer sur rien à cause de tout ce qui flottait sur moi. Ta voix... Le bruit des clés, la voix des gens qui viennent visiter. Et rappeler pour dire qu'il a fallu aussi que je me lève parce que... Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis levée et regardée aussi dans la glace de l'armoire, dans la chambre. J'ai vu mon corps nu dans la glace. Je me forçais à regarder, avec la lumière presque orangée à côté du lit, la peau que ça faisait. La chair de poule parce que j'avais froid. Oh oui. Est-ce que le lendemain, j'aurais dû rappeler pour dire « Claire, je trouve que c'est moi qui devrais avoir peur qu'on me touche. » D'ailleurs, on ne me touche pas vraiment, non. On touche une peau, c'est tout. Et que ce soit la mienne n'est important que pour moi. Parce que pour le reste, c'est une peau qu'ils touchent. Seulement une peau, parce qu'ils ont besoin d'un visage, d'un sexe, de bras, comme moi j'ai besoin des leurs. Et peu importe qui est sous la peau. On voudrait juste quelqu'un qui nous touche, nous. Et parfois, je voudrais que ce soit pour moi, même si ça ne veut rien dire, ça, pour moi. Alors, est-ce qu'il aurait fallu rappeler mes histoires de rien, mes petites histoires, alors qu'elles? Et dire, le pire, c'est que de ma vie, il n'y a rien à raconter. J'aurais eu l'air si vide à dire, oui, je me suis regardée dans la glace la nuit, j'avais froid, mes pieds avaient froid sur le plancher, et j'avais peur des échardes parce que le vieux plancher, ce n'est même pas du parquet. À chaque fois que j'y marche pieds nus, les pointes de bois se plantent sous les pieds, il faut une aiguille pour aller les chercher dans la peau, brûlée à la flamme du briquet. Je n'aurais pas cette force-là. À cause de la honte, après de lui dire à elle, oui, c'est moi qui devrais avoir peur d'être touchée. Ni parler de ma main quand elle a effleuré ma peau, mes seins, mes hanches. Tout ça, très lentement, juste pour voir ce que ce serait, la lenteur. Parce qu'avec eux, on ne prend jamais le temps de la lenteur. Ce n'est jamais comme ça, ils partent vite. Et ils parlent vite aussi, d'eux, avec tout ce qu'ils ne disent pas, insistant seulement sur ce qu'ils veulent faire entendre. Et puis, quand ils ne parlent pas d'eux, c'est pire. C'est qu'ils veulent me faire croire, et peut-être à eux aussi, qu'ils veulent que je parle de moi. Alors c'est l'histoire du concours, et de cette amie que j'ai, de cette amie qui... Je ne dis pas le mot. Je ne peux pas le dire, alors je dis que c'est arrivé ici, sur le palier, juste en face de chez moi, ma meilleure amie. Avec la honte que j'ai quand il m'arrive d'oser dire ça, oui, comme s'il fallait que ça lui soit arrivé à elle pour que moi je puisse parler et me rendre plus intéressante pour eux, presque m'embellir et vivre, et n'être pas toujours celle qui termine par « Oh, moi, bof, pas grand-chose. Je fais des cantines à midi et puis... Dans quelques semaines, il y a le concours de musique, et sinon, c'est tout. Comme animal, j'ai un poisson rouge. Et je regarde par la fenêtre tous les matins, me disant qu'un jour, il reviendra, qu'il rôde, qu'il ne peut pas ne pas revenir, qu'il faudra bien qu'un jour, la vie ne se dérègle de quelque part. Non, ça, je ne le dis pas. À personne. La nuit, je lis des romans. Il m'arrive de prendre un somnifère parce que le lendemain, j'ai beaucoup de travail. Je ne rencontre presque plus d'hommes parce que je sors beaucoup moins qu'autrefois. J'ai un travail dans lequel je mets beaucoup de moi-même, de mes attentes, de ma vie. Je me débrouille comme les autres, je veux dire comme tout le monde, comme vous, comme chacun peut le faire, avec ses doutes et ses errances, ses approximations. Je commets des erreurs, je tombe parfois dans les ornières et il m'arrive d'en esquiver d'autres. J'ai, sur certains sujets, des œillères que je ne considère pas vraiment comme telles, simplement par orgueil et par paresse intellectuelle. J'ai pour moi de savoir faire certaines choses dont beaucoup rêveraient. Des choses que des gens trouvent extraordinaires, comme d'être capable de gagner de l'argent en quantité astronomique et pour tout dire de manière honteuse. Oui, faire de l'argent. Beaucoup, énormément d'argent parfois. Et puis, je suis capable d'avoir des relations très valorisantes. Des connaissances très flatteuses, des directeurs de marketing, quelques journalistes connus, des gens qui partent en week-end avec des producteurs de cinéma et des acteurs. Je sais aussi me faire des amis. Et bien sûr, tenir ma place dans une vie professionnelle très remplie et pleine de satisfaction. J'ai une vie qu'on peut qualifier d'épanouissante pour une femme très exigeante, car je suis très exigeante sur le plan professionnel. Je sais faire ce que les gens font dans la vie et ce que tout le monde estime être juste et heureux de savoir faire. Je suis très sportive aussi. Je fais de la course à pied le long de la berge tous les matins avant de partir travailler. Je vais à la piscine 2 fois par semaine. Je suis quelqu'un de très sain dans la vie, vous savez. Pourquoi ça finit toujours mal avec les hommes? Ça finit, c'est tout. Que ça finisse, non, vous savez, ce n'est pas toujours mal. Peut-être. J'ai froid. Vous ne trouvez pas qu'il fait froid? Parce que je suis une femme qui n'accepte pas de se faire enfermer dans le désir des hommes. Oui, je suis une femme qui n'accepte pas qu'on la renvoie au simple désir des hommes. Mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Je crois que ce n'est pas la peine d'en dire plus à ce sujet, n'est-ce pas? Comme si à chaque fois, c'était la première fois que je rencontrais un homme et que je puisse dire mon amour. Mon amour. Mon amour. Bien sûr, j'ai un ego démesuré. Bien sûr, eux aussi ont un ego démesuré. Les hommes sont démesurés. De toute façon, même le plus minable, le plus modeste des minables a un ego démesuré. Les femmes, c'est pas pareil. Ou alors si, peut-être, mais je n'ai pas eu le projet de partager ma vie avec l'une d'elles. Pourquoi voulez-vous que je vous parle de ma mère? Ma mère? Mais je n'ai rien à dire de ma mère. Rien de particulier, rien qui puisse vous éclairer. Vous êtes utile. Ma mère nous aime toujours, mon frère et moi, comme si nous étions des enfants très jeunes et toujours menacés. Nous sommes sans doute pour elle comme le seul horizon où sa vie projette un point de fuite et une sorte de lueur, même infime, même ternie par ce que nous sommes devenus, l'un et l'autre, mon frère et moi, et qui aura déçu les espoirs et les rêves qu'elle aurait placés en nous. Elle nous aime de manière inconditionnelle et parfois possessive et maladroite. Elle nous aime de manière un peu excessive et mélodramatique. Parler avec elle? Mais de quoi voudriez-vous que nous parlions? Je vais te le dire autrement. Je vais te le dire. Tu vas l'entendre et ce sera de ta faute, pas de la mienne. Non. Parce que moi, j'ai tout fait pour te protéger de ce que je pense. Tu pourras faire ce que tu veux. Sa voix, je l'entends tous les jours. Toutes les heures que je vis, c'est avec sa voix à elle qui me supplie de venir la chercher. Crois-moi, cette voix, je la connais et c'est celle d'une petite fille de 6 ans. De 6 ans, tu entends? Elle a 6 ans et elle aura toujours 6 ans. Non, non, non, elle n'a pas grandi. Elle ne peut pas grandir. Alors que toi, toi, mon beau fils unique, mon bel enfant unique, dis-moi, il faudrait que je trouve ça merveilleux d'avoir entendu ta voix muer et de t'avoir vu grandir? Il faudrait que je trouve ça merveilleux de te voir devenir un homme quand je n'entendrai jamais sa voix de femme à elle? Il faudrait sourire de te voir grandir. De voir comment tu as grandi pendant toutes ces années, c'est ça que tu crois? Parce que plus tu grandissais, et plus elle s'éloignait de moi. Et ça, ça c'était tellement dur, c'était tellement violent. C'est toi qui m'éloignes d'elle quand tu as des amis. Quand tu grandis, quand tu as tes premiers rasoirs et tes premières petites amies et tes copains et toi, tout en toi m'éloigne d'elle et tous les autres. Ah oui, les autres. Parlons-en des autres. La famille, les amis, tous les chers amis qui me disaient de me raccrocher à toi et de te donner tout mon amour. Tout mon amour, hein? Rien que ça, tout mon amour. Mais c'est elle, mon amour. C'est à elle que je l'ai donnée. À son absence, à son manque. Tout mon amour, c'est ce qui me déchire toutes les minutes de ma vie. Alors, qu'on donne tout à celui qui reste, mais je ne peux pas. Je n'ai jamais pu. Et tu sais, le pire, c'est que de toute façon, je ne veux pas. Tu entends ? Je ne veux pas! Parce que j'ai tellement détesté tes sourires et ton besoin d'amour. Tu avais tellement besoin que je t'aime et que je te protège toutes les nuits où tu criais en te réveillant en sursaut à cause de tes cauchemars. Et il aurait fallu tout te donner à toi! À toi! Tout cet amour pour toi tout seul! De l'amour pour deux quand tous les ans, tu veux savoir? Eh bien, je vais te le dire. Ton anniversaire me dégoûtait. Te voir grandir me dégoûtait. Et ton père aussi, ça le dégoûtait. Hein? Mais dis-lui! Et même toi. Toi aussi, n'est-ce pas? Te voir grandir et vivre, ça te dégoûtait. Tu veux savoir? On avait honte. Tous les trois, on avait honte de voir comment tu grandissais. Pourquoi ça vivait si fort en toi et comment toute la vie en toi devenait plus grande que nous. Dès les premières semaines où je suis revenue m'installer à la maison, quand j'ai retrouvé la chambre que j'avais quittée quelques mois plus tôt pour aller vivre avec Francesco, j'ai dit tout de suite que je ne vivrais pas en restant calfeutrée à attendre l'heure du marché ou de la messe, que je ne serais jamais veuve comme tu croyais qu'il fallait l'être. J'ai dit tout de suite que je refusais ça. Je disais que je ne voulais pas vivre comme ça. Je te disais, j'ai 23 ans et je ne vivrai pas comme une vieille dame qui attend patiemment que le cœur et le courage de respirer lui manquent pour retrouver dans sa tombe un homme auquel elle a veillé à survivre le moins possible, au ralenti, comme en hibernation, avant d'être libérée par la mort et de pouvoir enfin pourrir en souriant à son époux. Je pensais non, jamais. Mais toi, toi qui es ma mère, tu me détestais de vouloir ne pas rester à pleurer un mort qui ne mourra jamais pour moi. Tu essayais de me dire « Tana, Tana, nous pourrions aller au cimetière aujourd'hui, quand même !» Et moi qui faisais semblant de ne pas entendre quand ce ton obséquieux et roucoulant que prenait ta voix excitait davantage encore ma détermination. Cette résolution aiguisée toujours plus par ce « quand même » et ce « malgré tout » que je lisais à travers lui, sans trop d'ambiguïté, à peine plus dissimulé qu'un visage derrière une vitre par la buée de son souffle. J'entendais derrière ce « quand même » le reste des mots qui venaient après. Tout le reste, ce scandale que tu savais refouler dans ce simple « quand même », quand j'aurais préféré t'entendre tout déballer d'un coup et lâcher le fond de ta pensée en disant « Allez, Tana, tu pourrais venir avec moi au cimetière, au moins une fois, tu pourrais faire un effort. On ne te voit jamais ici et tu reviens au petit matin ivre morte et les yeux encore plus noircis que tes cheveux noircis avec cette teinture trop noire. Quand même. » Il a fallu que tu salopes tes beaux cheveux blonds avec cette teinture du noir bleuté des corbeaux, ce maquillage autour des yeux, toujours ce blonzon noir si peu féminin. Ma fille, Tana, tu pourrais venir au cimetière quand même, pensais-tu, maman. Et quand tu te contentais de dire quand même, j'allumais une cigarette. Et si parfois je me retournais vers toi, c'était seulement pour envoyer la fumée vers ton visage et chercher à voir tes traits et ton regard se dissoudre et s'attendrir en devenant flou et gris, que ça se réchauffe un peu, que la dureté ramollisse dans le gris bleuté de la fumée. Ton visage, ta peau, ton expression de haine retenue, comme tu retenais ton souffle et ta respiration pour ne pas sentir ni inhaler la fumée, tu avais tellement peur de t'empoisonner. Alors qu'ici, oui, c'est vrai, on étouffait d'un air autrement poisseux et dangereux, l'air empoisonné par nos regards et nos silences, avec la pauvre Grazia qui, du haut de ses 15 ans, passait entre nous pour retisser des liens qui n'existaient plus, mais dont elle seule continuait à croire ou se faire croire qu'on y pouvait encore quelque chose, alors que c'était fichu, nous le savions toutes les deux. Depuis longtemps, depuis 3 ans et des poussières. Parce que Francesco, toute ma vie sera la sienne. Je le sais suffisamment pour ne pas avoir à jouer le deuil éternel, maman, comme toi tu aurais voulu, comme tu l'as espéré tout de suite, dès les premiers jours où j'ai accepté que nous allions toutes les deux, bras dessus, bras dessous, prendre tous les matins et tous les soirs la via rebora sous les aboiements des chiens. Marcher lentement en attendant d'arriver au milieu du camping pour que la rue redescende et pour retrouver, comme toujours, la même impression d'arriver toutes les deux au milieu de la forêt, juste en arrivant sous la courte allée de tilleuls, devant le cimetière, avec son petit parking et son portail gris, les trois croix noires en face de nous, une sur chaque pan du portail et la dernière au-dessus couronnant la grille. Et notre courage à toutes les deux, mère et fille, vêtues de deuil et de piété, tu vois ça? Comment peux-tu imaginer une telle suffisance, un tel comique? Sans me douter que tu voudrais que nous fassions ces gestes-là chaque jour, pour toujours, avec ce plaisir que tu avais déjà de croire que moi aussi, j'accepterais la calme habitude de venir avec toi et de marcher sur l'allée de gravier, dans ce décor si calme pour nous accueillir. La rangée de sapins sur la gauche, les herbes entre les tombes, et à flanc de colline, les mausolées de l'autre côté de l'allée, sur la droite, et puis au fond, les mausolées les plus grands avec le mur qui délimite et encadre le cimetière en étageant les tombes. On voit les plaques superposées. Elles sont là, les unes au-dessus des autres, avec les noms et les prénoms, les dates et ce trait d'union qui représente une vie coincée entre naissance et mort, comme si c'était elle l'accident. Voilà. Des mots collés ou gravés ou marquetés en noir ou en doré à l'intérieur de la plaque. J'ai vu ça si souvent avec toi, ces noms parmi lesquels on pouvait lire ceux de papa et de Francesco. Alors, pas question. Parce qu'à Bruxelles, j'ai compris que rien ne tient debout que par hasard et par accident. C'est le chaos qui est la norme, pas l'inverse. Et tout ton bordel de rituels et d'heures fixes n'y pourront rien, ça non. Ta préciosité, ton infini souci de propreté et toutes les minutes de ta vie et des nôtres, bien rangées entre les aiguilles de la pendule, ton obsession de tout faire à l'heure, en temps et en heure, je te voyais si entêté à vouloir te faire croire que tu arriverais à lutter comme ça plutôt que de céder à l'envie de hurler et de frapper sur le premier venu. Ce désir si puissant dont chacun de tes traits me disait l'avidité chaque fois un peu plus. Même si tu restais calme et que tu ne criais plus aussi souvent qu'avant, comme quand nous étions petites, Grazia et moi, contre l'oncle et les bruits du garage, ou bien l'odeur écœurante d'huile chaude, cette puanteur dont tu disais que tu n'y survivrais pas et à laquelle tu as survécu jusqu'à notre arrivée ici, à Montoggio. Toutes les trois, bien tranquilles, dans la petite maison des grands-parents, dont tu avais hérité à la mort du grand-père, comme des montagnes autour de nous, pour étouffer ta colère et ta rancœur envers la terre entière. Mais je vous le dis parce que pour moi, c'est une évidence. Les femmes sont bien pires. Elles se comprennent très bien entre elles. Elles se devinent, se cherchent, s'épillent. Oui, j'ai toujours pensé que les femmes étaient plus guerrières et vindicatives que les hommes. Elles ont toujours été les pires. Quand un homme leur est acquis, elles se croient soudain si sûres d'elles qu'elles s'évertuent à tout oublier du peu de prudence et de modestie dont elles se croyaient en possession, avec toutes leurs désillusions, leurs expériences malheureuses. Elles en oublient tout ce que la vie et quelques coups de canif dans leur robe de petite fille leur avaient enseigné. Elles en oublient de ne pas faire tout ce qu'elles ont déjà fait et qui n'a jamais marché, et qu'elles ont vu et revu faire par d'autres, dont elles se sont moquées secrètement pour ne pas se venger d'un affront qu'on leur avait fait. Toutes, elles en oublient de ne pas devenir mère. Toutes, elles en oublient de faire crier celle qui veut jouir en elles. Vous pensez que je suis folle et que j'exagère? Et maintenant, alors, c'était ses pas à elle qui revenaient dans mes nuits, dans ma tête, ses bijoux, ses robes. Je voulais sa beauté monstrueuse et qu'elle m'écrase d'une beauté que les femmes n'ont que dans les désirs des hommes. Je le voyais dans la cour ou sur le trottoir quand il revenait de chez la boulangère, parce que maintenant il allait tous les jours chercher le pain pour se dégourdir les jambes, comme il disait, pour se rendre un peu utile. Et moi, je tremblais. Moi, je savais tout ça autour de nous qui n'avait pas changé. Ni moi non plus qui n'avait pas changé, ni ces maisons, rien. Alors je me disais, un jour, la marche ne le distraira plus. Un jour, il n'y aura plus rien à gagner, plus de victoire sur rien, sur aucune lutte. Alors, il voudra continuer à élargir encore le champ de sa marche et aller plus loin, de l'autre côté des maisons, derrière, bien derrière les maisons. Et jusqu'où voudra-t-il aller pour dire qu'il peut encore choisir et vivre, se voir vivre ? Jusqu'où ? Quel vertige il faudra pour oublier que tous les efforts, il ne les a pas faits que pour sortir de la chambre, que pour sortir de la maison. Parce que ce n'est pas tout. Ce n'est pas suffisant d'aller de la maison à la cour, de la cour au jardin, du jardin à la rue, de la rue au quartier, et puis comme ça, élargissant le cercle pour terminer sur quoi ? Le ridicule, le dérisoire chemin de deux ou trois rues pour aller chercher du pain ? Je me disais, après tout ça, le mieux pour nous, ça aurait été de s'offrir un voyage tous les deux, comme on avait fait il y a longtemps, à l'époque où les enfants étaient encore petits et où on les faisait garder par ma tante ou par des voisins. Oui, partir tous les deux, comme on avait fait plusieurs fois il y a longtemps, avec des voyages organisés. Et je me rappelais celui qu'on avait gagné une fois à l'Intermarché, nous. On avait gagné en mettant un coupon dans une urne près des caisses. Et je me souviens qu'on s'était dit qu'avec l'argent qu'on leur laissait au moins une fois par semaine, ce serait presque indu, ce voyage. Et quand on l'a gagné, on y croyait si peu vraiment, qu'il avait fallu attendre la confirmation par écrit pour enfin se décider à trinquer tous les cinq. Alors oui, je repensais à ça et je me disais que ce serait bien, un voyage, de partir tous les deux pour retourner aux Baléares ou les Canaries. Je me disais qu'un voyage qu'on avait déjà fait, ce serait le mieux, parce qu'on serait sûr au moins de ne pas être déçu. Et puis de reparler de la première fois, des impressions qu'on avait eues. Et même, je me disais, le mieux cette fois, ce serait d'y aller en avion, parce que moi je n'ai jamais pris l'avion, et que lui ne l'avait pris qu'une fois, pour l'Algérie peut-être, ou bien seulement l'hélicoptère. Alors je me disais que ce serait bien pour nous. Mais elle, maintenant, je la voyais revenir dans ma tête, tous les soirs, toutes les nuits. Et je n'en parlais pas, et lui non plus n'en parlait pas. Alors je me disais, il l'a oublié, puisqu'il oublie comme ça, si facilement, comme moi, il m'avait oublié. Et ça suffisait de penser ça pour ne pas y croire, pour penser que je ne savais pas qu'elle était peut-être venue à l'hôpital et... Est-ce qu'elle avait pris ce risque de me croiser dans un couloir, dans sa chambre ? Est-ce qu'elle aurait fait ça ? L'a-t-elle fait ? Et je tournais ça dans ma tête avec les yeux sur les chiffres rouges qui disaient les heures qui passaient, une heure, deux, trois. J'avais envie de bondir de mon lit, d'aller dans sa chambre, de me jeter sur lui comme autant des colères et de jeter... et de lancer sur lui toute ma violence, et griffer encore, et frapper encore, et puis finir comme à chaque fois, avec dans le corps tout le vide qui reste quand on a tout laissé de soi aux orties. Et comment je me retenais de ne pas faire ça, me disant « Tu gâcherais tout, il ne faut pas, il faut oublier tout, que rien ne reste, même si, bien sûr, elle est venue, même si, bien sûr, elle n'avait pas disparu, non. » Je me disais « Comment j'ai pu croire ça si longtemps qu'elle avait disparu, qu'elle s'était envolée ?» Que tout ça, d'un coup, ça n'existait plus parce qu'il allait revenir. Parce qu'il fallait qu'une fois le hasard nous fasse le caprice de ne pas s'acharner et même de se retourner sur tout ce qu'il avait fait pour l'annuler d'un coup et me rendre à moi le monde comme je l'avais voulu. Alors oui, un voyage. Le mieux, c'était un voyage. Oh, mais je n'en ai parlé à personne. Surtout pas à lui, évidemment. Je savais trop comment il aurait ri. Comment son rire aurait fait mal. Comment il aurait dit que d'un seul coup, je me mettais à avoir des goûts de luxe, que je devenais complètement folle à ne plus penser à rien. Moi, d'habitude, si raisonnable sur tout. Je n'ai rien dit et je me souviens, le matin, devant la glace, quand je pensais à cette idée de voyage, Je haussais les épaules devant le miroir en me regardant avec une petite moue que je faisais pour me dire à moi-même « Non, ça ne va pas. Et pourquoi pas non plus vous offrir un tour du monde, hein ? Pourquoi pas, avec les ménages, ça doit pouvoir se faire. Pourquoi pas 2 ou 3 heures en plus et allez donc, Paris, New York, Tokyo. » Mais non, non, non, c'est pas pour nous ces trucs-là. Je savais bien qu'il n'y avait rien à faire. Que ce voyage, dans le fond, il resterait dans ma tête. Que c'était pour moi comme le projet idéal pour essayer quelque chose. Qu'un jour, on pourrait peut-être, même si... Il faudrait se contenter d'avoir le monde au bout de la télécommande plutôt qu'à nos pieds. Il n'y aurait rien. Je me regardais dans la glace et je me souriais en disant « Non, il n'y aura rien. Pas de voyage. Pas de Baléares. » Et puis je me consolais, je haussais les épaules. On m'a toujours dit de ne pas refaire les voyages qu'on a aimés. On m'a dit toujours qu'on risquait d'être déçu. Alors non, l'image dans le miroir me disait « Vaut mieux pas. » Essaie d'être belle un peu. Cache tes rides. Regarde dans les boîtes, là, au-dessus du lavabo, ce qui reste des crèmes, des fards. Tes mains. Mets des gants. Surtout, pense et n'oublie jamais le regard dans la chambre blanche. Le regard sur tes cheveux. Le regard sur tes mains. Ton manteau de laine qu'il disait ne pas supporter. Pourquoi ne le jetterais-tu pas, ce manteau, puisque toi non plus, tu ne l'aimes pas ? Et des fois, c'était comme ça toute la matinée. Je me disais que je me renseignerais pour faire du sport, que je pourrais au moins marcher 1 heure ou 2 par semaine. Je me disais les choses qu'on se dit quand on croit qu'il faudrait simplement de la volonté, un petit peu de volonté. Et puis, tout tombait tout seul, comme ça. Je n'y pensais plus. Je le regardais par la fenêtre de la cuisine, assis dans la cour, tranquille, et laissant sur lui le soleil caresser le front, les joues, au travers les ombres du tilleul. Et tant pis pour le voyage. Tant pis pour cette idée-là, mais il faudra bien trouver autre chose. Je me disais, n'est-ce pas, plutôt qu'une semaine loin, il vaudrait mieux penser à faire des week-ends plus souvent, parce que lui... Il ne supportera pas les journées si longues. Il n'aura plus de victoire au bout de ces journées. Plus rien que la même journée qui recommence tous les jours. Allez, encore une. Et l'hiver, ce sera trop dur, trop. Et alors, il voudra fuir encore plus qu'avant. Il voudra partir avec encore plus de rage, de force. Ce sera de plus en plus nécessaire pour lui de partir. Et alors elle reviendra. Si j'essaie de comprendre, si j'essaie maintenant, ici, avec un peu de calme et suffisamment de distance, maintenant qu'il n'y a plus personne dans ma vie et que je peux réfléchir et analyser ce qui se passe, je me dis... Voilà comment les choses se produisent. Voilà comment à chaque fois le mécanisme se reproduit avec la même précision. Il y a un moment, c'est un moment de pur bonheur et de plénitude, un moment de joie intense et ample, d'une satisfaction qui semble sans bornes et vouée à durer toujours. Nous avons des conversations très spirituelles et très cultivées. Je crois du moins qu'elles sont très spirituelles et très cultivées. À chaque fois, l'amour m'a fait croire que je suis spirituelle et cultivée. Et puis, je ne sais pas vraiment comment ça vient, à quel moment ça se produit. C'est presque imperceptible au départ, mais il y a une sorte de froissement, ou plutôt comme une fissure, une faille, ou discrète bien sûr, presque rien. C'est 3 fois rien, ce n'est pour ainsi dire rien, rien d'important, ni de significatif, je veux dire, mais... Soudain, je me sens non pas moins spirituelle ni moins cultivée, mais je vois, j'aperçois plutôt juste là, dans le regard de celui que j'aime, Comment, il me semble, j'apparais à travers lui, dans son regard. Oui, avec cette étrange pâleur. Ce voile devant les yeux, dans son regard légèrement effacé, brouillé. Comme si quelque chose pâlissait ou ternissait, mais très, très, très légèrement. Je m'aperçois, disons j'ai l'impression, dans ce regard qui me regarde toujours avec des yeux de, enfin, vous savez, tous les mots sur les regards amoureux, les yeux de braise, feu de flamme, et donc, pourtant, quelque chose là qui pâlit. Quelque chose dans le regard qui n'est pas le regard lui-même, mais... Voilà, peut-être que c'est à cause de moi seulement. Je ne dis pas, je n'accuse personne, comprenez-moi, je ne cherche à culpabiliser personne. Mais je dis seulement que cette pâleur et cette fragilité, cette sorte d'abandon dans le regard qui flotte, enfin dans lequel mon image à moi flotte, ce reflet qui est le mien dans le regard amoureux encore de celui que j'aime et qui m'aime, dans son regard soudain, je la reconnais à force de la chercher. Oui, cette... incapacité, mon incapacité, cette impossibilité, cette... Vous voyez ce que je veux dire? Je sais à ce moment-là que je ne suis pas si spirituelle ni si cultivée. Je sais que nos conversations n'ont... ne sont ni si spirituelles ni si cultivées. Mais bien sûr, pour le reste, ça ne change rien. Pas encore. C'est juste une esquisse, un premier très léger affaissement. Un signe, pas même l'ombre du déclin, mais seulement au début. La fin de cette montée en puissance de l'amour. Son ralentissement. La route vers... Mais maintenant... Que la maison soit déserte, qu'elle tombe, qu'elle s'écroule ou qu'à leur tour les rats descendent du grenier et remontent de la cave, que les ronces aussi s'acharnent, que le crépi ne sera pas refait cette année, que tout devienne noir, que les fissures prennent la largeur d'une main, d'un corps, qu'un corps puisse s'y enfoncer, que l'air aussi s'infiltre. Maintenant, quelle importance, vraiment. Moi, je ne tenais plus. Moi, j'étais là et je voyais que rien n'avait changé, qu'il ne changeait pas, lui. Et puis pourtant, quelque chose avait dû glisser, quelque chose avait dû, je ne sais pas, se faufiler, s'infiltrer et nous corrompre, nous pourrir, parce qu'avec tout ce temps qu'on passait ensemble dans la maison maintenant, on voyait des choses l'un de l'autre qu'on n'avait jamais vues avant. Le temps qu'il m'a fallu pour comprendre comment c'était tout ce qui me manquait, qui me faisait l'aimer plus. Et moi, si longtemps accrochée à lui par son indifférence, lui qui me tenait suspendu aux mots de sa bouche parce qu'il savait ne pas les dire et les laisser se flétrir tout seul sur les lèvres. Et cette douleur, encore d'attendre qu'une seule fois, rien qu'une, il me demande un jour de venir marcher avec lui. Combien de temps pour comprendre que son corps était guéri, que c'était un corps d'homme et qu'il devait bien avoir l'appétit des hommes, que je n'étais jamais redevenue sa femme, redevenue une femme, n'importe laquelle, n'importe, mais que j'étais seulement la porteuse de bol, l'odeur de vermicelle, un manteau de laine qu'il n'aimait pas, que j'étais des fleurs dans un vase qu'il m'aurait jeté au visage pour ne plus le voir, ni mes sourires, ni mes demandes, ni mes cheveux qui tombaient dans les yeux pour que lui ne voie pas comment je les baissais maintenant, puisque plus jamais il ne m'a regardée comme les hommes regardent les femmes. Et ce jour aussi, ce jour, non ? C'est arrivé plusieurs fois, et au début, ça me faisait rire de le voir revenir d'une promenade avec le chien sous le bras. Il me disait qu'il avait trouvé comme ça, en train de se promener vers le rond-point près de l'école, vers la côte de Peublanc. Je me rappelle comment il m'était devenu insupportable, ce petit chien blanc avec ses taches jaunes sur le corps vers la tête. Comment je lui aurais brisé les reins pour le plaisir. Parce que je ne supportais plus de l'entendre gueuler toute la journée contre les voitures, contre le père Eugène, contre le facteur avec les autres chiens du quartier. Et puis, comment il piaillait. Comment il cognait avec le museau dans la vieille poêle téfale sans queue qui lui servait d'écuelle. Et qu'il cognait, qu'il raclait jusqu'au dernier morceau qu'il avait à manger. Comment il en mettait partout et que le fer frappait contre le fer de la machine à laver quand il poussait la langue pour lécher encore et gueulant toute la journée. Le temps qu'il m'a fallu pour comprendre que je le détestais parce que c'était le cadeau que Renaud avait reçu de son père pour son anniversaire. Parce que ça venait de lui. Parce que c'était comme ça, j'étais sûre qu'il avait rencontré elle en cherchant quelqu'un qui donnait des chiens. Le temps qu'il m'a fallu pour comprendre, à force de ne rien voir, le temps, l'idée qui est venue quand je ne la cherchais plus. Mais ça n'a aucune importance. Maintenant, aucune importance. Rien n'a d'importance après, quand on sait ce qu'on a refusé tout le temps, qu'on se dit que même son corps à côté de nous, on était seul toujours. Parce que quand on est seul, on est tout seul, même avec celui qu'on voulait garder. Si ce n'est que son corps, si ce n'est qu'un regard vide, et puis toute sa vie, toute sa tête qui sont tournées là où jamais il n'y aura de place pour nous. Il n'y a rien, aucun visage, aucun regard pour nous sauver de ça. Et au contraire, je me disais, il faut en finir vite, et plonger pour en finir vite. Pour aller au bout une fois, et ne plus se lasser d'attendre des autres que ça change. Rien ne change, tout est déjà là. Rien, il n'y a qu'à attendre ce jour qui vous délivrera de l'illusion des autres, c'est tout. Mais les hommes, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Moi, je vous dis juste comment à chaque fois, je sais que c'est la fin. Ça finit quand on est encore complètement dans l'euphorie. Vous savez, ce bonheur d'équilibriste au-dessus du malheur et de la solitude des autres. À ce moment-là, oui, c'est vrai, on devient aveugle aux autres, à leur vie, à tout ce qui n'entre pas dans ce monde clos de notre émerveillement. Et pourtant, on ne le sait pas encore. Mais la fin est déjà là, minuscule, docile, informe encore, et comme endormie dans ces beaux moments d'amour, si émollients et convenus, qu'elle ne se réveille pas pour si peu. Je le sais, je n'invente rien, je ne découvre rien, et tout le monde le sait. Et il sait aussi bien que moi. Ça commence par un minuscule décalage, un léger clash dans la mécanique parfaite et trompeuse de l'amour. Un clash qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, et dont l'onde de choc se prolongera le temps qu'il faudra pour aller jusqu'au cri et aux larmes, jusqu'au serment brisé, à l'ennui, et aux grands mots de trahison et de tromperie, de mensonge. Et ça, c'est quelque chose contre quoi on ne peut rien. Contre quoi les bonnes volontés ne peuvent qu'aller à leur perte sans que ni leurs prières ni leurs cris ne puissent rien contre cette force. Et l'aveuglement, les résolutions, rien ne détournera le précipice. Rien. Rien. Thank you. Par France Culture avec la SACD, Amira Kazar, Melissa Barbeau, Jolene Nizar, lisait les textes de Laurent Mauvignier. Équipe technique Yvan Charby, Julien Bourdet, Tanguy Le Corneau, David Anéas, on se dépêche, il est presque 21h. Coordination de production Jean-Christophe Perrin, Virginie Noël, Chloé Mauduit, assistant à la réalisation Vivien Demeyer, réalisation Laurie Goroff. Il est 21h, on retrouve tout de suite le programme de France Culture. Bonne soirée.